voix de la souffrance aujourd'hui prend de l'ampleur et ne pourra être portée que par une vague d'électeurs. On voudrait nous faire croire qu'accabler celui qui trime sortirait le pays du palmarès de la déprime. Les Français d'en bas, comme ils disent, se sont battus pour leurs droits pas à pas, n'ayant pas comme devise l'appât du gain, mais juste inciter à un regain d'intérêt au melting pot coloré comme un Gauguin. Répression, réforme et restriction des dépenses, qui c'est qui ramasse, pas celui qui bosse à la défense. Pourquoi tant de jeunes aujourd'hui sont dans la défonce? Pour changer les choses, il ne faut plus des roses mais une pierre ponce. Travailler plus pour penser moins, voilà ce qu'ils veulent. Affamer les gens leur a toujours fait fermer leur gueule. Lutte des classes politiques, laisser nourrir bien bas les têtes pensantes dirigeantes et des tours ensemble à l'ENA. L'opium du peuple, c'est les photos dans les tabloïdes. Monsieur le président au volant de son nouveau bolide. Plus de complexe à l'argent, montrer qu'on roule sur l'or. Chasser des quartiers nobles, les malheureux qui tombent dehors. Mais du pouvoir d'achat, d'où peut bien venir la chute? À coup de délocalisation et de colten parachute. Le capitalisme a montré ses limites et s'est figé, puisque les profits n'ont jamais été redistribués. L'histoire nous a montré que même les tontons qui représentaient l'espoir n'étaient que des enculés notoires. La souffrance ne se limitera jamais à la souffrance, car même sans espérance envers l'État, elle avance. N'essayez pas de faire le mariole. Un faux pas et notre marché est rompu. Ce serait bien s'ils fermaient son clapet. S'ils en avaient besoin, ces hommes pourraient se servir de leurs armes. Ils ont notre feu vert. On n'en a rien à foutre de toi. On n'en a rien à foutre que tu sois malade à crever. Ouais. T'as compris ce que je t'ai dit, mon frère? Capiche? Ouais, capiche. Là où l'époque se gâte, la précarité généralise. S'enlise une situation loin de la presse généraliste. Piste et plus le mot d'ordre, la croissance et le modèle. Une poignée non alignée contre une armée de corrompus comme Faudel. De faux deal, je le dis, en matière de social un recul. Endormi à coups de futile, c'est tout un peuple qu'on encule. Brûle femmes, enfants et hommes dans des hôtels à Paname. Accuse rappeurs, frères et jeunes quand les banlieues s'enflamment. Les braises ne sont pas mortes, les portes pas assez blindées. Les portes pas assez futées, là où tout n'est que célébrité. Copinage et lobby, tapinage et lubie, où le sort de salariés se troquent pour un rubis. Abrutir les masses à coups d'émissions avariées. Pour le compte du MEDEF, OPEP, FMI, Élysée. Main d'œuvre bon marché, frontières cloisonnées. Chômeurs stigmatisés, lutte entre grâce et murs astiqués. Expression bridée par l'industrie culturelle. Le but n'est plus de dénoncer, mais de remplir la gamelle. La souffrance ne se limitera pas à la souffrance, car même sans espérance envers l'État, elle avance.